Vous écoutez Futur Simple sur les ondes de CKRL au 89.1 et on va quitter l'univers pour revenir sur Terre avec Cyril Barrette, qui est professeur émérite au département de biologie de l'Université Laval, spécialiste des comportements animaux et de l'évolution. Bonjour Cyril. Bonsoir Valérie, ça va? Oui, ça va très bien. Et après s'être remué les méninges avec les grands nombres que nous a dit Jean-René Roy à propos des étoiles, on va se reposer un petit peu, on va jouer avec oui, les animaux. Oui, oui. Ouais. Quoi que le jeu est un sujet sérieux pour les animaux. Oui, ben, il y a des jeux sérieux pour les humains aussi d'ailleurs. Ouais, ouais. Donc ce soir, effectivement, on va s'intéresser au un comportement particulier, celui de jeu, du jeu. On dit un petit peu que le propre de l'enfance, ben, c'est de jouer. Les jeunes humains jouent, mais ils ne sont pas les seuls à jouer. On a tous en tête l'image du chat qui joue avec une pelote de laine ou qui essaie d'attraper les gouttes d'eau qui tombent d'un robinet qui fuit. Mais si on regarde plus largement, est-ce que c'est un comportement assez répandu chez les animaux? Oui. On reconnaît facilement des comportements qu'on qualifie de jeux, mais un problème qu'on a, c'est de définir le jeu. On n'a pas de difficulté à définir le jeu chez l'humain, mais comme beaucoup de catégories de comportements, une notion qui est utilisée pour l'humain n'est pas toujours transposable facilement chez les animaux. Et donc, c'est facile de reconnaître qu'un comportement est ludique. Mais comment on fait pour définir le jeu? Mm-hmm. Donc, on met ce problème-là de côté pour le moment et on se dit que c'est pas nécessaire de définir le jeu. Comme on définit les comportements sexuels, les comportements agressifs, les comportements de soins de gêne, dans le cas du jeu, on a une difficulté. On peut quand même travailler sur le jeu et étudier le jeu parce qu'on est capable au moins de reconnaître qu'il s'agit de jeu, même si on n'est pas capable de définir ce que c'est. Mm-hmm. Un peu comme les organismes vivants, on sait qu'un objet est vivant ou non vivant, mais définir la vie, c'est un autre problème. Mm-hmm. C'est vrai, bonne remarque. Donc, on met de côté cette définition du jeu. Bon, donc, je repose donc ma question. Est-ce que c'est un comportement qu'on observe de façon générale chez les animaux, chez les mammifères, oui, chez les poissons? Oui, bien, on observe surtout chez les mammifères, mais là, on a une autre difficulté d'observation. Ah. Est-ce qu'on observe davantage de comportements de jeu chez les mammifères parce qu'on est plus familier avec les mammifères? Peut-être que les vers de terre ou les serpents jouent autant, mais on n'est pas habilité à reconnaître qu'il s'agit de jeu. Une araignée joue peut-être en variant un peu la forme de sa toile. Peut-être que les autres araignées trouvent ça très drôle, mais on n'est pas en mesure d'en juger. Mais je pense que l'hypothèse que les mammifères jouent plus que les autres est tout à fait adéquate. Il y a des belles observations de jeux chez des oiseaux aussi, particulièrement les corvidés, les corneilles, les corbeaux. Mais essentiellement, le jeu, ou en tout cas celui qu'on reconnaît comme jeu, on observe ça chez les mammifères. Ben, à propos des corbeaux, je me souviens avoir vu une fois des corbeaux qui avaient l'air vraiment de s'amuser à jouer sur les courants d'air aérien au-dessus d'une falaise. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qu'ils font? Ils jouent ou quoi? Parce qu'ils faisaient des pirouettes dans le ciel, ça avait ni queue ni tête. Oui, absolument. Je me suis vraiment demandé s'ils jouaient. Ouais, voilà. Donc, on peut reconnaître que ça ressemble à ce que nous, on ferait si on pouvait. Ça ressemble à des comportements qui nous paraissent ludiques. Donc, chez les animaux, quel comportement ludique on a observé chez les mammifères? Mais en fait, c'est peut-être utile de faire une distinction entre du jeu solitaire et le jeu social. Le jeu solitaire, c'est des jeux de course, c'est des jeux de simulation, de fuite, des cabrioles, etc. Mm-hmm. Ou des jeux avec des objets que l'animal trouve dans l'environnement, avec des bouts de bois ou des roches, ou avec des gouttes d'eau, par exemple, comme on disait juste avant. Et les jeux sociaux, les jeux entre congénères, ce qu'on pourrait appeler des jeux de rôle, c'est des individus qui simulent les activités sexuelles ou qui simulent des activités agressives ou des activités de soins des jeunes. Donc ça, c'est les comportements, les jeux sociaux sont beaucoup plus répandus. Mm-hmm. Parce qu'est-ce qu'on observe aussi, par exemple, bon, j'évoquais les corbeaux qui avaient l'air de jouer avec les courants d'air, mais est-ce qu'on peut observer chez les singes, par exemple, qu'ils s'amusent dans les lianes ou qu'ils s'amusent avec leur environnement, avec ce que l'environnement leur propose? Oui, absolument. Particulièrement les jeunes. Ou à glisser dans la neige? Comme on voit les loutres, par exemple, dans des reportages. Et ça ressemble à du jeu, dans le sens que les comportements sont un petit peu exagérés, ils sont un petit peu fantaisistes, ils sont parfois hors contexte, ils sont répétitifs, et on ne voit pas d'utilité immédiate. Oui, c'est ça. Je me demandais, est-ce qu'il y a une finalité à ce comportement-là? En fait, si on se fie encore toujours à la conception qu'on se fait de l'évolution et de la vie selon les idées de la sélection naturelle, il doit y avoir une finalité, dans le sens qu'il doit y avoir une utilité, puisque le jeu implique des coûts. Ça mm-hmm. prend du temps, ça prend de l'énergie. On peut se mettre en danger parfois parce qu'on est moins vigilant si on est une espèce ouais. potentiellement qui peut être attaquée par des prédateurs. Donc la logique nous dit, la logique darwinienne nous dit que s'il y a des coûts, il doit y avoir des bénéfices. On les voit pas toujours. Le défi, c'est de déterminer à quoi ça pourrait servir, quels seraient les coûts. Mm-hmm. Quels seraient les bénéfices? Quels seraient les bénéfices? Parce que de toute évidence, l'animal, il consacre du temps et ben oui. de l'énergie et il doit y avoir un bénéfice au bout de ça. Ben oui, c'est ce que je me disais aussi. Pendant que, bon, d'abord, c'est quand même une consommation d'énergie. Donc, si la mère a déjà du mal à trouver de la nourriture à apporter à son petit, est-ce que ça vaut le coup vraiment que le jeune dépense d'énergie à jouer alors que la mère a du mal à le nourrir? Ben, si on accepte l'idée de la sélection naturelle, ça doit valoir le ouais. coup. C'est-à-dire que la sélection naturelle va empêcher les individus de jouer trop, ou ouais. de jouer trop longtemps, ou de faire des jeux qui sont trop risqués ou trop coûteux. La définition de trop est toujours la même. Ouais. C'est que l'animal en fait trop. À partir du moment où continuer d'en faire, ça nuit à son succès reproducteur ou à sa santé ou à sa longévité. Ouais. Donc, il doit y avoir un bénéfice. Le défi, encore une fois, c'est de trouver quel est le bénéfice. Parce qu'il n'est pas immédiat, de toute évidence, mm-hmm. puisque l'animal semble s'amuser. Mm-hmm. C'est comme s'il le faisait pour rien. Mm-hmm. Alors, est-ce qu'on a une idée de ce bénéfice? Mais les idées, les hypothèses les plus courantes sont assez évidentes. C'est que c'est une sorte d'entraînement, une sorte d'apprentissage des gestes qui sont importants dans la vie adulte. Mm-hmm. Mais ça, c'est logique, disons, ça a du sens. Mais la difficulté ou le défi, c'est d'essayer de démontrer ça. La seule façon de le démontrer, ce serait de penser une expérience ou une situation expérimentale où on aurait, par exemple, trois groupes de jeunes, trois groupes d'individus. Mm-hmm. Un premier qu'on laisse jouer normalement selon les caractéristiques de son espèce. Un deuxième qu'on stimulerait davantage, qui jouerait encore davantage. Et un troisième, si on y arrivait à le faire, les mm-hmm. empêcher de jouer complètement. Et ensuite, plus tard, de mesurer la performance dans les comportements adultes chez ces mêmes individus. Mm-hmm. Avec la prédiction qu'il y aurait un effet, comme on dit, proportionnel à la dose. Plus on joue en bas âge, plus on est performant dans les comportements adultes. Donc ça permettrait de le démontrer. À ma connaissance, jamais personne n'a fait ça. Donc c'est mm-hmm. peut-être une idée d'un protocole pour une thèse de doctorat en mm-hmm. comportement animal. Mais on peut présumer que l'animal qui s'entraîne ou qui joue en bas âge à faire de la prédation ou à fuir les prédateurs ou à des jeux de combat avec des congénères mm-hmm. sera plus performant à l'âge adulte ouais. que celui qui le fait jamais. Mm-hmm. Est-ce qu'il y a donc il y aurait donc un apprentissage peut-être pour la prédation, pour bon peut-être aussi être le meilleur mâle, peut-être, je sais pas. Ouais, ouais, est-ce qu'il y a aussi un apprentissage des comportements sociaux aussi, comment se comporter pour les animaux qui vivent en groupe? Oui, oui, absolument. Est-ce qu'il y a un apprentissage de la motricité aussi? On apprend pour les singes, je sais pas si ça se fait réellement, mais s'ils jouent dans les lianes, est-ce qu'en même temps, c'est un apprentissage de comment faire bouger son corps dans les arbres? Oui, oui, absolument. Donc, c'est tout à fait logique ouais. de le voir de cette façon-là. Par exemple, un singe dans les lianes, le jour où il va devoir faire un saut un peu plus loin ou un peu plus vigoureux mm-hmm. que ce qu'il est habitué de faire, il va avoir avantage à s'être entraîné en bas âge pour, j'allais dire, dépasser ses limites, mais aller proche de ses limites pour ne pas tomber. Mm-hmm. Donc, ou si on pense mm-hmm. à des jeux qui sont liés au combat chez les antilopes et les cervidés, par exemple les cerfs, il y a deux formes de combat. Ce qu'on appelle en anglais le sparring, c'est comme de l'escrime, et les vrais combats. Mais les combats ludiques sont très importants à plusieurs points de vue. Ça permet à l'animal de chercher de l'information sur ses propres capacités à se battre, faire la relation entre la taille des bois ou des cornes des partenaires mm-hmm. et leur force et leur habilité au combat. Et tous ces combats sont jamais dangereux. Les combats ludiques, on mm-hmm. les distingue très facilement. Mm-hmm. Mais quand arrive le moment d'un véritable combat, c'est les mêmes gestes qui sont utilisés dans un contexte sérieux. Mm-hmm. Donc, il va falloir qu'il apprenne que là, c'est sérieux. Ouais. Oui. Donc, comment est-ce qu'il fait cet apprentissage-là? Ah, c'est que l'approche des combats est tout à fait différente. Les combats ludiques, ça se fait doucement. L'animal est en train de brouter et l'autre mm-hmm. le pousse un petit peu avec ses bois et puis il l'invite. Il y a comme mm-hmm. une sorte d'invitation à jouer ou d'invitation à ces combats ludiques. Mais alors que dans les cas des vrais combats, l'approche est très, très agressive. L'animal se fait le plus gros possible et fait des bruits, des vocalises et il n'y a pas d'équivoque, là. Même un éthologiste si un observateur est capable de savoir que c'est un vrai combat. Là. Oui, mais pour l'animal, lui, il faut qu'il apprenne que là, il n'est plus en situation de jeu, qu'il est en condition réelle. Oui. Puis tous les cas que j'ai observés chez des cerfs ou des antilopes sont sans équivoque. L'animal sait très bien que c'est sérieux. D'accord. À ce moment-là, s'il y a une forme, si finalement le jeu, c'est une forme d'apprentissage de ce que le jeune animal va devoir faire après, plus tard dans la vie adulte, tant avec ses congénères que pour la prédation ou autre, est-ce que les mâles et les femelles jouent au même jeu? Parce qu'il va y avoir, c'est pas les mêmes qui vont chasser, par exemple, c'est pas, ils vont pas avoir le même comportement sexuel non plus, donc ça doit s'apprendre quelque part. Oui, c'est ça. Il y a des différences, effectivement, puisque le répertoire de comportement adulte est légèrement différent. Essentiellement, on voit, si on simplifie, là, les jeunes mâles participent davantage à des jeux, des simulations de combat, des simulacres de combat, alors que les jeunes femelles, c'est plus des jeux de poursuite ou des jeux de cohésion sociale. Mm-hmm. Et quand on voit particulièrement les mères, la façon que la mère joue avec ses filles ou ses fils, c'est différent. La mère joue beaucoup plus avec ses jeunes, des jeux qui ressemblent... J'irais pas jusqu'à dire des jeux qui ressemblent à ce que nos enfants font avec des poupées, mais il y a des jeux de toilettage, de soins des jeunes, et voilà. Et par exemple, je me place dans la peau d'une lionne qui va devoir, parce que chez les lions, c'est les lionnes qui chassent, il me semble, qui vont chercher la prédation. Les mâles chassent aussi, mais les lionnes sont plus habiles et font une plus grande proportion de chasse. Ouais. Donc, on doit retrouver ce comportement chez les jeunes lionnes également? Oui. Mais chez les jeunes mâles aussi, chez les lionceaux mâles aussi. Oui, parce que quand ils sont tout seuls hors de la quand ils sortent du groupe, il faut qu'ils chassent pour eux-mêmes au moins. Et puis c'est en partie un mythe, ça, que les mâles ne chassent pas. Les mâles chassent aussi. Okay. C'est juste que les femelles sont mieux coordonnées entre elles pour chasser, sont plus habiles à chasser, sont plus rapides et alors que le mâle dans la meute de lion a plus un rôle de défense du territoire, de combat contre d'autres mâles des meutes voisines. Donc, les jeux ressemblent à ça, jeux de combat chez les mâles et des jeux de prédation ou des simulacres de prédation envers des feuilles qui bougent ou un objet qui roule sur le sol ou quoi que ce soit. Ouais. Comme le chat avec une boule de laine. Et vous disiez, Cyril, on voit les femelles, la mère qui joue avec ses petits. Donc, justement, est-ce qu'il y a un contrôle parental? Quelle est l'intervention des parents par rapport aux jeunes? Et à partir jusqu'à quand ils les laissent jouer, les jeunes? Parce qu'à un moment donné, il faut qu'ils deviennent grands. D'intervention des parents. On voit pas les parents qui vont réprimander des jeunes qui joueraient trop vigoureusement, par exemple, et qui risquaient de se blesser. On voit jamais ça. Mm-hmm. Les jeunes savent comme par eux-mêmes qu'il faut pas dépasser une certaine limite. À quel moment on arrête de jouer? Au moment où la vie devient sérieuse. C'est-à-dire où les individus doivent s'occuper des vraies affaires, comme on dit en politique, c'est-à-dire la survie et la reproduction. Donc, les jeux, on les observe davantage chez les jeunes, quelle que soit l'espèce, que chez les adultes. Les jeux chez les adultes sont très rarement entre adultes. C'est des adultes qui jouent avec leurs jeunes à l'occasion, chez les félins, par exemple, ou chez les canidés, ou très rarement chez les ongulés, assez souvent chez les primates. Et donc, les parents ou les adultes jouent avec des jeunes, mais ils jouent pas vraiment entre eux. Donc, c'est comme si le jeune, quand il assume son rôle d'adulte, ou il est préoccupé à temps plein par la survie et la recherche de partenaires et la reproduction, les jeux s'arrêtent presque complètement. Mais est-ce que, d'une certaine façon, les parents doivent essayer de faire comprendre aux jeunes que là, c'est plus le temps de jouer, et donc arrête de jouer avec les jeunes pour leur faire comprendre ça, que justement, là, c'est plus le temps de jouer, là, il faut que tu fasses ta vie d'adulte? Non. Est-ce qu'il y a quelque chose comme ça? Non. Chez les autres espèces, chez les autres animaux, on n'a jamais observé quoi que ce soit qui ressemble à ça. Oui, alors donc là, j'ai une question de François qui m'arrive par les oreilles. Est-ce qu'il y a une notion de plaisir associée au jeu? Est-ce qu'on voit les animaux qui manifestent un plaisir à jouer? On a l'impression... C'est difficile, parce que comment interpréter le plaisir chez les animaux? C'est ça. Alors là, on s'approche de la question peut-être chez nous. C'est évident que chez toutes les autres espèces, y compris l'humain aussi, jusqu'à un certain point, Le plaisir est un moyen. La sélection naturelle a fait en sorte que c'est agréable de faire les choses qui sont importantes pour assurer la survie et la reproduction. Donc, si le jeu a vraiment un rôle d'entraînement pour la vie adulte, donc c'est pas surprenant que les jeux soient agréables. Les jeunes qui jouent ont pas l'air d'en souffrir. Là. Ça, à notre vue, à nous, là, c'est toujours anthropomorphique, là, c'est difficile à interpréter. Ils ont l'air vraiment de s'amuser, ils ont l'air à trouver du plaisir. Alors que l'humain diffère de toutes les autres espèces dans le sens que, pour nous, on joue vraiment pour rien. On joue vraiment pour le plaisir, uniquement pour le plaisir. Mm-hmm. On ne peut pas imaginer que ça existe chez les autres espèces, encore une fois, parce que la sélection naturelle va l'interdire. Parce que nous, on a du temps à perdre, si on veut. On peut se payer le luxe de jouer juste pour le plaisir, pas les autres espèces. Mm-hmm. Elles sont constamment sollicitées à temps plein par les vraies affaires, comme je disais tantôt. Ouais. Les éléments qui sont indispensables à la survie et au passage des gènes dans la génération suivante. Donc, pour eux, il y a du plaisir à jouer parce que la sélection encourage le jeu s'il est important pour s'entraîner pour la vie adulte, mais ils jouent pas juste pour le plaisir. Mm-hmm. Pour nous, le plaisir est un objectif. Pour eux, c'est toujours un moyen. C'est ça. D'accord. Donc là, on a parlé un petit peu des avantages et du coût qu'il y avait au jeu. Ça coûte quelque chose. Bon, l'animal qui joue est peut-être moins vigilant à son environnement. S'il y a une proie, un prédateur qui arrive, ça a un coût énergétique. La mère va devoir nourrir son enfant pour qu'il se nourrisse. Mais il y a un avantage parce qu'il va apprendre, ses comportements d'adultes. Voilà. Et là, donc, j'aimerais qu'on revienne sur notre dernière chronique. On parlait des comportements innés, acquis, sous forme de programmes génétiques qui étaient ouverts. Donc, est-ce que, par exemple, le jeu en lui-même, ce serait quelque chose d'inné? Le jeune, il va jouer de façon sans avoir à y réfléchir, c'est inné. Mais il y a ensuite, mais ce serait quand même un programme ouvert dans le sens où il y aurait place à variation dans la forme du jeu, ce qui va lui permettre d'apprendre. Voilà, c'est exactement ce qui se passe. Les gestes eux-mêmes sont programmés, sont stéréotypés, sont innés, si on veut, sont instinctifs. Les éléments du comportement ludique sont comme ça, sont programmés d'une façon rigide. Mais plus l'animal a un cerveau développé, par exemple un carnivore par rapport à un herbivore ou un primate par rapport à un carnivore, plus le cerveau est développé, plus il y a de place à l'improvisation, plus il y a de place à la fantaisie, plus il y a de place à utiliser des mêmes comportements dans des contextes différents ou mélanger dans le désordre pendant les jeux. Donc, il y a donc une partie qui est tout à fait programmé d'une façon relativement rigide, les gestes eux-mêmes, mais le contexte dans lequel on l'utilise, la séquence qu'on en fait, ça peut être complètement mélangé, c'est au gré de la fantaisie, si on veut, de l'individu. Et c'est peut-être en même temps une façon pour l'individu d'apprendre dans quel contexte utiliser les comportements, quel est le contexte favorable, quel est le contexte utile, dans quelle séquence il faut les utiliser, dans quel contexte il ne faut pas utiliser tel comportement, ou il ne faut pas mélanger le répertoire sexuel avec le répertoire agressif, par exemple. Donc, plus le cerveau est développé, par exemple chez les primates, on voit énormément de fantaisie. Donc, il y a place à l'apprentissage et... on peut dire, je pense, à l'improvisation. C'est une forme d'improvisation. On utilise un répertoire relativement limité de gestes, mais avec lesquels on improvise. Oui, c'est ça. Mais donc, on apprend, finalement, le jeu sert à apprendre. Mais alors, une fois qu'on est adulte, est-ce que comme on ne joue plus, les animaux ne jouent plus, ça veut dire qu'ils n'apprennent plus? C'est une belle façon de poser la question. Ils sont encore, j'imagine, capables d'apprendre, mais je pense qu'ils arrivent à l'âge adulte, et puis s'ils ont survécu jusqu'à l'âge adulte, je dirais que c'est qu'ils ont appris ce qu'il fallait apprendre pour survivre jusqu'à l'âge adulte. Donc, ils ont plus... non, je dirais pas qu'ils apprennent plus, mais ils apprennent autrement. Ils apprennent par l'expérience, ils apprennent par la répétition, par imitation, mais pas avec le jeu, parce que c'est très, très rare le jeu chez les adultes, même chez les primates. On voit un peu de jeu chez les chimpanzés, les grands singes, chez les macaques, les babouins, mais encore une fois, l'animal est tellement préoccupé au quotidien pour les choses indispensables qu'il n'y a presque plus de jeu. Il serait peut-être capable de jouer, et il est probablement capable, puisqu'on le voit à l'occasion jouer avec ses jeunes, ses enfants, si on veut. Mais le jeu est très, très réduit chez les adultes, chez toutes les autres espèces, sauf quelques exceptions. Et si on revient aux chats et aux chiens domestiques... Voilà, c'est une des exceptions que j'avais en tête. Ah, là, bon, voilà. Nos idées sont convergentes. Parce que eux, est-ce qu'ils jouent encore à l'âge adulte? Et je me souviens qu'on avait déjà parlé du chien comme étant néoténique. Donc, ouais. C'est-à-dire qu'il garde ses caractères juviniles à l'âge adulte. Voilà. Donc, est-ce qu'il joue encore à l'âge adulte? Oui, il joue encore. Et puis, mais il faut faire un peu une distinction entre les chiens et les chats. Parce que, pour simplifier un peu, les chats adultes, les chats domestiques, on parle des domestiques, là, les chats domestiques adultes sont beaucoup plus adultes que les chiens domestiques adultes. Oui. Donc, le chat est un animal qui se comporte beaucoup plus comme un adulte. Mais on les voit jouer quand même. Ben oui. On les voit jouer assez abondamment parce que, encore une fois... Le jeu, je pense que c'est parce que le jeu est particulièrement important chez les félins pour la chasse, parce que leur mode de chasse demande des tactiques qui sont sophistiquées, et puis ils ont des comportements sociaux qui sont élaborés. Donc, les adultes continuent de jouer, mais relativement rarement entre eux chez les chats domestiques. Ils jouent avec les jeunes. C'est vrai. Ou ils jouent tout seuls avec des objets. Et je pense que les chats domestiques sont beaucoup moins néoténiques que les chiens domestiques. Le chien domestique est vraiment un animal qui est resté dans l'adolescence. Les adultes sont comme des adolescents, sont comme des jeunes encore pendant toute leur vie. Donc, c'est pas pour rien que le chien joue facilement avec nous. C'est ça. Il joue facilement entre eux. C'est ça qui est différent, parce que le chat joue pas spontanément avec l'humain. Il va jouer si on va le chercher, peut-être. Ouais, c'est ça. Alors que le chien, on dirait que spontanément, il a envie de jouer. On dirait qu'il pense juste à ça. Ouais. Il y a des chiens, on a l'impression qu'ils pensent juste à jouer. Ouais. Ils attendent juste l'occasion de jouer. Ouais. Ils reconnaissent les jouets, ils reconnaissent les gestes du maître. Le contexte du jeu. Le contexte. Ouais. Et qu'ils reconnaissent que le maître se prépare à les sortir puis à les jouer. Ouais. Et aussitôt qu'ils sortent dehors, ils veulent jouer. C'est très facile de déclencher le jeu chez un chien domestique, et c'est au contraire relativement difficile de le réprimer, le jeu. Et il y a des comportements, il y a entre autres chez les chiens domestiques une posture d'invitation au jeu, c'est comme ça qu'on l'interprète, où le chien abaisse le poitrail et puis comme s'il posait les coudes au sol, et ça c'est une invitation au jeu, clair. Les chiens se font ça entre eux, ils le font avec nous, et ils attendent juste l'occasion de jouer, parce qu'ils conservent leur attitude et leur comportement de juvénile toute leur vie. Et si on en vient maintenant à nous, humains, parce que nous aussi, on joue. Si on joue, est-ce que c'est aussi pour apprendre initialement? Est-ce que les primates jouent pour apprendre? Nous autres humains, primates plus évolués peut-être, est-ce qu'on joue aussi pour apprendre? On joue un peu pour apprendre, mais on joue surtout pour jouer. On joue pour rien. On joue pour le plaisir. Si on pense à tous les jeux qu'on a inventés, et chez nous, le répertoire de jeux est énorme par rapport à toutes les autres espèces, les jeux vidéo, les jeux intellectuels comme le sudoku, les mots croisés, on invente des jeux qui sont particulièrement difficiles et qui demandent beaucoup de concentration et beaucoup d'efforts. Et je pense que c'est, encore une fois, lié à notre très gros cerveau. Notre cerveau s'ennuie. Essentiellement. Et dans la grande majorité des cas, on vit dans un environnement où notre cerveau est sous-utilisé. Et comme il est sous-utilisé, on le stimule avec des jeux qu'on invente. Et plus les jeux sont compliqués, plus on réussit un jeu compliqué, plus on a de satisfaction. C'est un peu comme les animaux dans les jardins zoologiques qui sont en cage. On pense à des carnivores ou à des primates en cage. De plus en plus, dans les jardins zoologiques, on essaie d'enrichir leur environnement en leur donnant du trouble pour chercher leur nourriture. C'est une forme de jeu, si on veut. On cache la nourriture. L'animal doit travailler plus fort pour trouver sa nourriture ou travailler plus fort pour avoir des interactions avec les congénères. Et c'est un peu ce qu'on fait, nous, avec le jeu. Et quand on avait fait cette chronique sur la néoténie, on avait parlé de l'humain aussi, qui était néoténique. Alors, est-ce que le fait qu'on joue même à l'état adulte, est-ce que c'est aussi un indice qui montrerait qu'on serait néoténique, qu'on serait absolument des juvéniles? Absolument. Au niveau comportemental, c'est un des indices les plus probants. On conserve pendant toute notre vie le goût d'apprendre, la curiosité, l'habilité à faire des choses inutiles. Le sujet de la chronique précédente, par exemple, compter le nombre d'étoiles dans l'univers, ça nous servira jamais à rien, mais on trouve intéressant de compter le nombre d'étoiles. Ça nous satisfait, ça répond à notre curiosité de questionnement. En termes biologiques, c'est parfaitement inutile. Ça peut être utile dans le sens que ça peut nous inciter à développer des appareils qui permettent de mieux compter les étoiles, mais le fait même de compter les étoiles ou de compter les décimales de pi, c'est un jeu, c'est une sorte de jeu intellectuel. Ouais. C'est un grand défi. Et plus le défi est grand, plus le défi est difficile, plus on s'amuse, plus on trouve intéressant. C'est pas pour rien que très souvent, les chercheurs, les scientifiques, même en âge avancé, continuent de s'amuser. On a l'impression qu'ils s'amusent comme des enfants à poser des questions constamment, comme un enfant. Mais on dirait qu'il y a quand même des jeux qui n'ont rien de... qui ne répondent pas vraiment à une envie de... un besoin de se creuser les méninges ou un besoin non, de... Mais... qui n'ont non plus de, pour s'occuper, ben, peut-être si pour s'occuper, mais en tout cas qui ne répondent pas vraiment à ces besoins de, d'occuper notre cerveau, proprement dit. Je ne sais pas, des jeux de guerre ou des jeux... Ben, c'est ça. Ça occupe notre cerveau d'une certaine façon. Je connais pas très bien les jeux vidéo, mais les jeux vidéo qui sont à caractère guerrier, par exemple, c'est une simulation d'une situation qui est difficile, qui est compliquée, où la survie est en jeu, où on doit être très performant, on doit être très habile, très rapide, etc. Donc, encore une fois, on a besoin que nos neurones travaillent et s'échauffent et s'activent. Et comme nos conditions de vie sont relativement faciles, eh bien, je pense qu'on s'ennuie. Voilà. Et donc, on trouve des jeux pour se désennuyer. Chose qu'on ne trouve pas chez les autres espèces. Un loup ne s'ennuie jamais. Ils n'ont pas les moyens de s'ennuyer. C'est un luxe qu'ils ne peuvent pas se payer. C'est ça, exactement. Mais en tout cas, c'était assez amusant de jouer avec ce comportement, sur les concepts de ce comportement ludique. Merci beaucoup, Cyril. Bienvenue, ça m'a fait plaisir, comme toujours. Et je rappelle que Cyril Barrette est professeur émérite au département de biologie à l'Université Laval.